Amis scorpions, bonjour et bienvenue dans votre tirage de l'oracle de Béline concernant vos amours du mois de mai 2023. Alors, que vous annonce ou quel est le message, le conseil du Béline pour vous au niveau affectif? Apparemment, on va voir, hein, c'est juste la coupe, mais apparemment il y a un gros... Vous êtes assez dépendant affectivement, vous êtes vraiment ou très amoureux, oui apparemment très amoureux de votre partenaire ou d'une personne qui est l'objet de vos désirs si vous êtes célibataire. On va voir cela. Mais vous dépendez beaucoup de l'affection et des amours en mai. Donc, tac, tac, tac. Quel est le message ou le conseil, s'il y en a un, du Béline pour vos amours scorpion, mais bah, c'est excellent, waouh! Alors, si vous êtes célibataire, eh bien, j'ai l'impression que vous voyez, vous allez avoir une récompense par rapport à la patience que vous avez eue ces derniers temps. Pour trouver chaussure à votre pied, et en effet, il y a un coup de cœur, donc, et une passion qui peut naître, un nouveau lien, comme le disait la coupe, et là, vous voyez, j'ai une nouvelle rencontre, une nouvelle union, vraiment passionnante, intense, comme vous les aimez, donc c'est vraiment très beau. Maintenant, si vous êtes en couple, évidemment, eh bien, c'est pareil, vous allez sentir une nouvelle fois, peut-être connaître un nouvel élan dans votre couple, vous allez vous resserrer vos liens et vraiment avoir l'occasion de vivre de secondes noces, pourquoi pas de repartir en second voyage de noces, ou en tout cas simplement de vivre un regain de passion. Donc, vous allez vraiment être heureux, heureuse d'avoir patienté quand vous aviez, dans le passé, à certains moments, rencontré des difficultés ou eu des questionnements concernant ce couple. Et bien, cette fois, vous êtes vraiment complètement de nouveau dans le plein amour par rapport à votre conjoint, conjointe. Donc, profitez de ce mois de mai passionné et intense.